on vient de mettre le doigt un peu sur le bobo, là. Comment on peut contrôler ça? Il va y avoir des abus qu'un ticket modérateur, mais mettons qu'ils l'essayent. Ils ont peur. Ça a l'air qu'ils ont peur que s'ils mettent un ticket modérateur. Vous savez pourquoi ils le font pas? Ils ont peur que quelqu'un de ben malade pour sauver 5 piastres se rende pas à l'urgence. J'ai quasiment le goût de dire, je le dirai pas. Mais comprenez-vous ce que j'ai le goût de dire? La personne qui va pas se faire soigner parce qu'elle veut pas sortir 5 piastres de sa poche, elle mérite-tu d'être soignée? Oups, je l'étudie. Elle mérite-tu d'être soignée? Voyons, innocent. Mais quelqu'un qui a besoin de se faire soigner, c'est pas, ça va pas au mérite non plus, là. Mais si elle a pas le 5 piastres. Mais si elle a pas, le 5 piastres, ça ne se peut pas. Il y a personne qui a pas 5 piastres au Québec. Voyons, ouais, 5 mais là, piastres. Si quelqu'un peut pas payer, de toute façon, on devrait être une société qui est capable d'en prendre soin quand même, là. Ouais, mais moi, en tout cas, moi, le ticket modérateur, anytime. Je sais que c'est pas parfait. Peut-être qu'il y aurait un cas quelque part de quelqu'un qui, pour sauver une scène, n'est pas allé là, puis il y a eu des complications, regarde. Mais je pense que pour la plupart, quand t'es vraiment malade, là, tu le trouves. Ah, je sais, mais... Ouais, je pense que oui. Salut Rémi, on va jaser Carole également. 670-9330 au studio.